Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Les paradoxes de la viande, une série de Delphine Saltel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce plaisir désormais un peu coupable du magret de canard saignant au barbecue. Et puis cette question, comment peut-on à la fois aimer les animaux et les manger, savourer des côtelettes d'agneau et frémir à l'idée de déguster un chaton ou un teckel. Bref, qu'est-ce qui fait que désormais, c'est devenu banal de devenir végane? Alors pour commencer, les personnages. Des militants véganes, une femme qui a vu l'évidence, des enfants attristés, une fillette qui a pris une décision, une éleveuse qui en a trop vu, un viandard qui a une révélation, une philosophe pas dupe, une lectrice transfigurée et une femme et son chien. Ensuite le décor, des cochons, des poules, des lapins et un mégaphone, une enfance à la campagne, des lapins libérés, du sang sur les arbres, des truies épuisées, des coups de massue, une entrecôte de cheval, un texte qui change tout, des renoncements, des annonces et de la viande artificielle. Aujourd'hui, premier épisode, la fête tourne mal. Voilà, comme je le rappelais donc tout à l'heure, nous démarrons ce dimanche 24 mars, eh bien, notre saison 2019 de l'Arche de la Nature. Et nous commençons donc aujourd'hui, en ce dimanche, avec donc la fête du cochon et de la basse-cour. D'où, bien sûr, vous écoutez les très nombreuses expositions des associations sartoises. Les paradoxes de la viande. De saucisse ketchup. Comment je me suis disputée ma vie végétarienne. Par Delphine Saltel et Vincent Deck. En allant à cette fête, qui n'en est pas une, vous allez voir des animaux. Pour ensuite, quelques mètres plus loin, déguster leurs cadavres sous forme de charcuterie. L'Arche de la Nature ose appeler cet événement la fête du cochon, avec une belle photographie d'un porcelet au premier plan. Pensez-vous que c'est la fête pour les cochons qui finissent à l'abattoir? Car ne vous méprenez pas, la ferme de la prairie est un lieu édulcoré. Les animaux que vous allez déguster à la broche ou sous forme de charcuterie ont été probablement élevés en batterie. En France, 95% des cochons sont enfermés dans des élevages intensifs. Ils ne peuvent ni courir, ni voir la lumière du jour, ni fouler la terre. Le seul moment où ils verront le ciel, c'est le jour où ils monteront dans un camion pour l'abattoir. Nous parlons des cochons, mais les lapins, les poules subissent le même sort. Plutôt étrange comme comité d'accueil pour cette traditionnelle fête du cochon qui a lieu chaque printemps près du Mans. La vingtaine de militants véganes s'est postée sur le parking à l'entrée de l'aire de loisirs qui accueille l'événement. Ils interpellent au mégaphone des centaines de badauds carnivores venus en famille de toute la Sarthe déguster des rillettes ou des saucisses grillées. Pourquoi s'arrache-t-on un jour à cette culture de la viande? À l'institution du burger, du couscous merguez, de la blanquette de veau? Quel déclic, quelle épiphanie transforme tout à coup le steak dans l'assiette en morceaux d'animal mort? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et comment voit-on le monde après? Les autres, ceux qui ne se posent pas de questions, qui tartinent joyeusement du foie gras à Noël. Est-ce qu'on arrive encore à vivre avec eux? Des morceaux pour goûter, il n'y a pas de problème. On est là aussi pour goûter. Faut pas hésiter à demander. Monsieur. Arrêter la viande, de la prise de conscience au steak de soja. Quelques végétariens, plus ou moins ordinaires, racontent de l'intérieur leur transition alimentaire. Pas les militants, ni les porte-paroles d'associations, pas les bruyants, ni les extrêmes. Franck, Julie, Nadège et les auteurs Florence Burga, Marcella Yacoub, Ina Mialach et Barbara Constantine. J'ai 64 ans et quelques années avant de passer à la soixantaine. Ça m'est apparu comme vraiment et d'une évidence de passer au véganisme. Il fallait que je fasse ça. Ça date quand même de mon enfance. Quand j'étais enfant, je vivais à la campagne, à la maison, qui était donc une ferme. Et c'était donc un couple de paysans qui gardaient la ferme et qui s'occupaient des animaux. C'était une vraie ferme avec des vaches, des cochons, des poules, des lapins. Je me sentais très proche des animaux et c'était une souffrance de savoir qu'ils allaient être tués pour être mangés. Et je sais que je me sentais mal tout le temps de ça, autour de ça. Par exemple, on nous demandait, les enfants, de s'occuper d'aller chercher les œufs, etc., ou de nourrir les lapins. Et donc, je me rappelle, on avait peut-être 7-8 ans, avec la fille des fermiers. On avait dit, on vous laisse occuper complètement des lapins. En fait, on savait déjà ce qu'on allait faire. C'était de les libérer. Et en fait, on avait ouvert toutes les cages et on les avait laissés tous ensemble. Ils ont fait des milliers de bébés. Mais un jour, la fermière est allée pour en prendre un pour le mettre à la casserole. Et elle a vu ce qu'on avait fait et ça a été un peu un carnage. Et les lapins, elle leur donnait un coup sur la tête pour les assommer. Mais ça se faisait tout à fait couramment de tuer les poules, donc il les attachait par les pattes, la tête en bas, il les égorgeait, enfin, les nerfs faisaient qu'elles bougeaient longtemps, etc. Enfin, c'était horrible, quoi. Mais de toute façon, on se mettait les mains devant les yeux, on partait en courant, on hurlait. Mais on ne pouvait pas s'empêcher d'entendre, en fait, les sons que ça fait, ou de voir après le sang sur l'arbre. Parce que la fermière, elle avait toujours le même endroit pour pendre les poules par les pattes et le sang par terre et tout. Elle-même en avait sur son tablier, sur son visage, parce qu'elle arrachait l'œil avec un couteau, et le sang qui coulait par l'œil arraché. C'était à chaque fois quelque chose de douloureux pour les enfants de voir ça. Et ben, j'avais à peu près 6 ans, et j'ai décidé moi-même de réduire un peu ma viande, d'enlever certains aliments que je mangeais en viande. Je me disais, les animaux, c'est qu'un jour ils sont là et on se dit que le lendemain matin ils ne sont plus là. Et pour ça, ça me fait de la peine. Mais quand on les tue, c'est comme si nous on nous tuait. Quand je mangeais, je m'imaginais l'animal. Et j'imaginais en même temps l'animal sous l'abattoir et en train de la tuer. Parce que sur des routes, sur on est déjà passé. Et en fait, c'est un grand bâtiment. Et je me demandais ce que c'est, ma maman m'expliquait. Et quand je mangeais de la viande, et ben je m'imaginais l'animal qui était dans l'abattoir et se voir se faire abattre. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté complètement la viande. Voilà. Moi, je pense que Nadège, elle a voulu arrêter ça, en fait, à son niveau. Enfin, c'était des « j'aime plus le poulet, j'aime plus les viandes saignantes, j'aime plus le jambon ». Et petit à petit, en fait, on a compris que derrière le « j'aime plus », c'était vraiment « je veux pas de viande ». Donc, enfin, on pouvait pas lui imposer de manger de la viande quand pour elle, c'était réellement des cadavres qu'elle se représentait dans son assiette. Dans la même lignée qu'avec les lapins, tous les ans, il y avait le cochon. Donc, on tuait le cochon. Et ça, c'était un cauchemar, en fait. Parce qu'on savait que ça allait arriver, on allait donner à manger au cochon, on allait le voir. En général, il s'appelait Freddy, et ils étaient deux. Tous les ans, il y avait le même nom. Ça se préparait, donc il y avait des gens du village qui venaient aider les fermiers. Et je me rappelle vraiment, c'était horrible de sortir ce cochon qui avait été dans cet espace confiné, dans le noir quasiment, et il le sortait de là et il savait que c'était pour quelque chose de terrible parce qu'il hurlait, mais oh, c'était affreux. Et on criait pour couvrir le son du cochon qui hurlait, on criait encore plus fort et on se bouchait les oreilles. Ça, je me rappelle physiquement. C'était une angoisse terrible. Et puis l'odeur du sang, et puis le cri du cochon. Ça pourrait être un cri humain, en fait. Ça, c'était vraiment, on savait qu'il allait mourir. puis la tête des gens. Enfin, c'est comme un film, en fait. C'est vrai, j'ai l'impression de... C'était des gens que j'aimais, mais je les trouvais monstrueux à ce moment-là. Et en fait, on ne voulait pas devenir des adultes comme ça, ça c'est clair. Donc on était obligés de se plier à la loi des adultes, mais que nous, on ferait différemment quand ça serait nous qui déciderions. Donc pendant ce temps-là, on mangeait de la viande quand même. Et j'étais souvent punie pendant des heures, jusqu'à ce que j'ai fini mon assiette. Et en fait, avec la fille de la fermière, on avait fait des essais de plus manger du tout sans que les parents le remarquent. On avait des chiens, donc on les mettait sous la table et on leur vidait notre assiette. Et on allait manger des noisettes. On avait fait des stocks de noisettes et on voulait savoir si on pouvait vivre en mangeant que des noisettes. On avait un énorme projet. Hein. On se disait que nous, on allait trouver le moyen de vivre avec les animaux, quoi. Enfin, de ne pas les tuer, évidemment. J'ai 29 ans et je suis végétarienne depuis 3 ans maintenant, après ma prise de poste en élevage. C'est un élevage porcin où j'avais en responsabilité 300 truies, 300 mères du coup, avec leurs petits. Je devais m'occuper de les inséminer pour pouvoir pour les rendre gestantes et ensuite être là, assister les mises bas ainsi que le sevrage du coup des porcelets. Quand j'ai pris mon poste, j'étais omnivore. Donc je consommais encore de la viande. Au bout d'à peu près 2 mois environ, il s'est certainement passé des choses à l'élevage pour que un soir je rentre à la maison puis que j'aille voir mon conjoint pour lui dire bah écoute, je souhaite arrêter la viande. Je sais qu'il y a des jours qui m'ont tellement marqué dans le travail qui font que je ne pourrais pas faire marche arrière. Le lieu c'est sympa, c'est beaucoup de béton. Beaucoup de béton avec du caillou botti, donc c'est un sol troué hein, pour que les urines et les selles puissent passer par le sol. Sur toute la surface de l'élevage, les seules sources de lumière, ça va être les lumières artificielles du plafond, qu'on essaye de nettoyer régulièrement parce qu'avec la population de mouches qu'on retrouve en élevage, ces lumières sont souvent salies et donc l'obscurité revient. Et sinon, ça va être les fenêtres. Et pareil, il faut les nettoyer très régulièrement parce qu'avec autant de population dans un bâtiment confiné, on se retrouve avec facilement des fenêtres salies. Les seules fois où du coup les truies vont voir l'extérieur, ça va être pour rejoindre le camion du coup, qui va les emmener à l'abattoir. Si je prends l'exemple d'une semaine de mise bas, quand on arrive le matin en maternité. Dans la nuit, c'est là que les truies mettent bas le plus souvent. La première chose que je fais, c'est que je fais le tour de toutes les cages pour noter tous les morts, les retirer des cages et inscrire combien sont morts, pourquoi ils sont morts, si c'est parce que du coup elle a mis bas puis qu'ils étaient déjà morts-nés ou si elle les a écrasés parce que les truies sont en cage. Du coup, si le bébé vient téter et lui fait mal, parce que les cochons naissent avec des dents, la truie, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se lever. Mais vu qu'elle est exténuée de sa mise bas, elle va se recoucher. Donc il y a des truies qui sont très maternantes et qui vont du coup, malgré la fatigue, vraiment veiller à ne pas écraser leur cochon. Il y en a d'autres qui, exténuées, vont se limite tomber au sol de fatigue. Et ce qui fait que des fois, il y a des porcelets qui se retrouvent en dessous de la mer. Et puis, même s'il se met à hurler, elle ne se lèvera pas. Quoi. Il y a énormément d'écrasement. En maternité, ou si ça peut être dû à une maladie quelconque ou une malformation. Ça arrive aussi énormément. On va dire l'intensité et le nombre de cochons fait que forcément on augmente les probabilités de maladies et de malformations à la naissance. Donc il faut s'occuper de tous ces cochons-là on va dire dès le matin. Donc ça reste quand même un endroit qui est assez sanguinolent. C'est dur, quoi. En France, 3 millions d'animaux sont tués tous les jours pour la consommation alimentaire. Un consommateur ingère chaque année en moyenne 70 kg de viande. 80% de la viande est achetée en hyper et supermarché. l'industrie de la viande emploie 99 000 salariés dans 2 600 entreprises pour un chiffre d'affaires qui s'élève à 33 milliards d'euros. Moi, j'ai quasiment jamais mangé de légumes. Ça n'a jamais été un élément constitutif du repas, le légume. C'est toujours été la viande. Donc, on a toujours beaucoup mangé de viande rouge, voilà, beaucoup. Et puis, également, tout ce qu'on appelle les bas morceaux, les abats, j'en ai toujours énormément mangé. Enfin, ma mère faisait beaucoup de ça. De la cervelle, de la langue, des tripes. J'étais très fan, d'ailleurs, de tous ces aliments. Et donc, ouais, ça a toujours été, en tout cas, la viande a toujours été l'élément constitutif principal de tous les repas. Ça, c'est familial. Intuitivement, j'avais intégré l'idée que pour vivre, fallait manger de la viande. Et si on mangeait pas de viande, on mourait, quoi. Donc, je me posais absolument aucune question sur le sujet. Il fallait ça. Le fer, les protéines, la totale. Donc, un jour, je vais au marché et j'ai un copain qui était là. Donc on va au marché, comme d'habitude, on va à la chevaline, je reprends les entrecôtes, et on rentre, on cuisine, on se fait les entrecôtes, on s'installe à table, on la mange. Donc j'ai mangé de bon appétit toute mon entrecôte de cheval, 250-300 grammes, que je mangeais bleu. Et puis voilà, j'ai fini mon assiette, j'ai posé mes couverts, j'ai regardé mon copain, et je lui dis, je crois que c'est fini. Comme ça. Et j'ai pas insisté plus que ça, c'est la dernière fois. Ah, il m'a dit, la dernière fois de quoi ? La viande, là, c'est la dernière fois. Elle m'a regardé bizarrement, je pense que ma copine de l'époque était là aussi à côté, je pense qu'elle m'a regardé un peu bizarrement aussi. J'étais le viandard de la bande quand même. Je pense que ce jour-là, j'ai compris qu'on m'avait menti. Enfin menti, en tout cas collectivement, on se mentait collectivement en s'auto-persuadant que manger de la viande était strictement obligatoire, etc. J'étais là-dedans, il n'y avait aucun problème avec ça. Et je pense que je me suis renseigné et j'ai compris que manger de la viande, c'était pas nécessaire. Ce n'était qu'une notion de plaisir. Et là, philosophiquement parlant, c'était tuer pour le plaisir et rien d'autre. À ce moment-là, c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Quand j'ai embauché en 2015, stop, j'arrête, quoi. Parce que j'ai la fibre animale et puis c'est vrai que j'ai cette sensibilité, peut-être que certains en élevage n'ont pas. Peut-être parce que, justement, moi, je ne suis pas issue du monde agricole à la base. Du coup, c'est ce côté-là qui a fait que, du coup, j'ai décidé d'arrêter la viande. Et que quand on voit qu'on s'occupe de certaines truies, qu'on fait tout pour qu'elles soient bien malgré les conditions d'élevage, parce que moi, une truie qui n'était pas bien, je me permettais de la faire sortir et de la faire un peu s'aérer l'esprit comme je le pouvais avec les conditions que j'avais. Et qu'au final, cette truie ne va pas mieux, et puis que je suis contrainte d'appeler mon patron pour qu'il la tue à coup de masse. Ouais, moi, je pleurais dans ces cas-là. Et on entend l'animal nous appeler, parce qu'ils ont l'habitude de nous voir. Et eux, ils nous considèrent plus comme les personnes qui s'occupent d'elle. Donc, lui, elle m'appelait, tout simplement, donc c'est encore plus dur. Mais c'est les seules solutions qu'on a en élevage, de toute façon. Donc, même si c'est dur, on n'avait pas le choix. Mais d'un autre côté, il y a une partie de notre cerveau qui dit il faut que tu te sortes de tout ça, quoi. Et du coup, ma première décision, c'était que déjà, je ne mange pas les animaux, que je m'occupe. Je m'occupe des cochons, je ne vais pas manger mes cochons. C'est sur ce principe-là, en fait, que j'ai commencé à arrêter de consommer de la viande. C'est que je ne veux pas faire partie, on va dire, de ça, alors que j'en faisais partie intégralement, quoi, parce que c'est moi qui faisais naître des cochons pour le jambon. Et puis, du jour au lendemain, c'est, je pense, un trop plein de choses. Et puis, quand on va faire les courses, on repose la barquette. Et puis, pourtant, à la maison, j'ai un mangeur de viande. Je suis arrivé à la maison, et elle m'a dit, j'arrête de manger de la viande. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Le fait qu'elle ne vienne pas du monde agricole aussi, fait qu'on n'est pas habitué à voir ce qu'on voit, quoi. Moi, je fais pas de cochon industriel. Moi, je suis spécialisé dans les vaches laitières. Mais c'est vrai que dans tous les élevages industriels, ce genre de choses qu'elle vous a expliqué, ça existe, quoi. Que ce soit porc, volaille, toutes les filières industrielles. Je connais les méthodes d'élevage, quoi. Je sais comment ça marche. Plus une vache est poussée intensivement, plus les risques de pathologies en élevage sont fréquentes. Et plus les risques de mortalité sont fréquents. C'est pour ça qu'on tombe sur des cas de pathologies qui doivent être finies à la masse, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, si on n'est pas capable, je pense, d'abattre un animal, on ne devrait pas avoir à manger de la viande, quoi. Tout le monde est capable de ramasser des carottes, donc tout le monde peut manger des carottes. Mais tuer un animal en le regardant dans les yeux, là, c'est autre chose, quoi. Moi, ça m'est arrivé de tuer des animaux pour manger. La viande que je vais acheter, le steak que je vais acheter au supermarché demain, c'est un animal vivant hier. C'est bien ça qu'il faut se dire. Dans toutes les publicités, on a la vache dans le champ, le steak dans l'assiette. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il faut bien que le consommateur il se le dise, quoi. Et ça, si on n'est pas capable de le voir, ou de le faire même, ce moment d'abattage, si on n'est pas capable de le voir ou de le faire, alors on doit arrêter de consommer de la viande. N'ayez plus peur de dire « j'aime la viande ». Le bœuf, le goût d'être ensemble. Au milieu des années 80, des études de marché révèlent que la société française n'est pas complètement à l'aise avec l'idée que finalement, il y a cette espèce de moment où il y a un animal vivant qui évidemment n'a pas envie de mourir et qui est tout de même emmené à la mort. C'est précisément cela qu'il faut recouvrir, escamoter, transfigurer d'une certaine manière. Ça a été une décision tout à fait explicite de la filière de la viande au milieu des années 80. Le marketing, la publicité va nous vanter les qualités gustatives, par exemple, va construire aussi tout un imaginaire autour de cette viande. Donc, il y a d'un côté cet univers de la bonne chair, de la réjouissance, de la convivialité, puisque c'est le terme qui revient toujours, comme si nous ne plantions pas notre fourchette dans un morceau de cadavre, il n'y avait plus de convivialité. Et puis, de l'autre côté, quelque chose qui est véritablement dans l'ombre à tous les sens du terme, c'est-à-dire ces animaux dont nous pouvons imaginer très facilement j'emploierai le mot calvaire, mais en tout cas la vie de misère de ces animaux, la plupart du temps enfermés, qui sont tués en bas âge et qui sont donc rassemblés un matin, mis dans des camions et qui partent donc vers ces lieux qui sentent le sang. Et pour un herbivore, c'est particulièrement angoissant, évidemment, cette odeur. Et qui sont donc mis à mort à la chaîne. Donc tout ça, c'est pas très joli et il faut des légitimations extrêmement fortes pour que, si la population a conscience de ce fait doit être rendu naturel. Voilà, c'est naturel, c'est comme ça, il le faut bien. Et donc l'institution aujourd'hui a inventé ce mot extraordinaire de bien-être animal, pour indiquer qu'au fond, les animaux sont élevés et vont à l'abattoir dans la sérénité, pour ne pas dire dans la joie et la bonne humeur. Manger de la viande, c'est tuer. Enfin, si on mange de la viande, on a dû, alors nous, ou quelqu'un l'a fait pour nous, mais il y a l'acte de tuer un être vivant, Moi, j'ai à un moment donné, j'ai eu la prise de conscience que, enfin, entre un chien et une biche, il n'y a pas de différence. Alors, donc, on mange les bœufs, mais on ne mange pas les chiens. Et puis, ah là, si on mange des chiens, c'est mal. Ouh là là. Donc là, à partir du moment où on doit tuer un animal qui, somme toute, ressent des choses auxquelles on peut s'attacher, etc., et alors que ce n'est pas nécessaire, c'était plus compatible avec mon éthique de vie. Donc le jour où j'ai pris cette décision de ne plus manger, devant cette assiette vide après l'entrecôte de cheval, je n'ai plus jamais mangé de viande. Un dimanche, je me suis réveillée pour aller faire les courses au marché Blanqui et je voulais aller acheter de la viande, des saucissons, des poulets... Et je me suis dit, non, c'est encore un peu trop tôt, alors il faut que je termine de lire un petit livre de Plutarque qui s'appelle « Manger la chair ». Parce que j'étais en train d'écrire un article pour une revue sur les droits des animaux. Alors je me dis, bon, je m'assois, je l'ai fini, ça tarde une demi-heure de le lire ou une heure, je sais pas. Et après j'ai vu au marché, alors du coup je me suis trouvée face à ces phrases qui m'ont déchiré le cœur et qui m'ont complètement transformée en une autre personne. Et je lis ça. Tu me demandes pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair. Mais au contraire, je m'émerveille, moi. Quelle affection, quel courage, ou quelle raison eut donc l'homme qui, le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, et comment il fit servir à sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils souffrir de voir un tel meurtre, de voir tuer, écorcher, démembrer une pauvre bête? Comment put-il en supporter l'odeur? Comment ne fut-il pas dégoûté et saisi d'horreur quand il vint à manier l'ordure des blessures, quand il vint à recevoir le sang et le jus des plaies mortelles d'autrui? Voilà. Et tout d'un coup, c'est vrai que quand il écrit « mugissez », toute cette opération par laquelle on nie le processus qui permet qu'il y a quelque chose qu'on appelle la viande, tout d'un coup, on entend l'odeur de la vache, on entend la graisse du cochon quand on mange un saucisson. Enfin, moi, ça m'a cloué à ma cuisine et j'étais comme pétrifiée. J'étais 3 semaines comme ça. J'ai pleuré et je me sentais que j'avais commis des actes abominables, que j'avais été complice des choses affreuses, en fait. Du même coup, je voyais des images des cochons suspendus. Enfin bon, moi je pense que ces textes, c'est comme une vérité qu'on ne peut plus cacher. Et à un moment donné, dans les textes, il dit que quand on tue un animal, c'est un peu comme quand on tue un humain, on tue un univers, on tue un soleil, on tue un monde en fait. C'est ça qui m'a le plus touchée, dans la mesure où moi à cause de ma relation avec les animaux que j'ai eus, et que tout d'un coup, je comprends très bien que c'est tellement terrible de tuer des mondes, en fait, de tuer des univers complets, en fait. Tout ça pour manger quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas bon pour la santé. Je ne sais pas pourquoi cette poésie, et surtout parce qu'il y a quelque chose avec la beauté de l'animal, avec tout ce que l'animal peut nous donner comme bonheur et comme joie, qui est éteint pour un acte barbare qui est de les manger, en fait, alors que c'est pas nécessaire. Alors, c'est ça qui m'est arrivé, et depuis, je n'ai jamais été la même, en fait. Finalement, c'est beau, enfin, que les œuvres provoquent ces changements, beaucoup plus que le fait de voir et d'entendre des récits sur la maltraitance de l'animal. Je sais pas pourquoi qu'on me montre tout ce que les animaux subissent ne m'avait pas transformé. C'est simplement cette poésie qui m'a permis d'avoir une sensibilité et de me provoquer une sorte de honte et des peines qu'aucune autre manière de faire la promotion des droits des animaux ne m'avait provoqué avant. Pour quelle raison eut donc l'homme qui, le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, et comment il fit servir à sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment auparavant... Souvent, à la cantine, il me disait qu'on a tué un animal, pas pour rien, donc tu me manges, et un jour, ils m'ont forcé à manger un canard, je l'ai revomi. Mais si on ne mangeait pas le plat chaud, on n'avait pas un dessert. Si on ne mangeait pas, c'était une punition. Les autres... Ils parlaient de viande à table. Ils disaient « Je suis une petite vache qui va se faire tuer. » Ils rigolaient tellement. Ils ont rigolé qu'ils sont morts. Ça commence à devenir pénible. Ils cherchent pas à comprendre. À l'âge de 9 ans, j'étais gardée par une babysitter qui ne voulait faire de mal à personne. C'est exactement ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi elle refusait de manger du poulet avec mon grand frère et moi. « Je ne veux faire de mal à personne. » « Comment ça, faire du mal ?» me suis-je étonnée. « Tu sais bien que le poulet, c'est du poulet, non ?» Franck m'a lancé un regard entendu. Papa et maman ont confié leur précieux petit chéri à cette idiote. J'ignore si elle avait ou non l'intention de nous convertir au végétarisme, comme les conversations au sujet de la viande ont tendance à mettre les gens mal à l'aise, beaucoup de végétariens ne font pas de prosélytisme. Elle, sans dramatisation ni rhétorique, partageait ce qu'elle savait. Mon frère et moi nous sommes regardés, la bouche pleine de poulet à qui l'on avait fait du mal, et nous avons eu simultanément la même pensée. comment se fait-il que je n'ai jamais songé à ça jusqu'à présent ? Et pourquoi donc personne ne m'en a jamais rien dit ? J'ai posé ma fourchette. Franck a terminé son assiette et il est probablement en train de manger du poulet à l'heure où j'écris ces lignes. C'est la paternité, bien des années plus tard, qui a donné l'élan initial au périple qu'allait devenir l'écriture de ce livre. Mais je m'y étais en réalité préparée durant la plus grande partie de ma vie. Jonathan Safran-Foer, faut-il manger les animaux ? Le déclic s'est fait vraiment après la lecture du livre « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan Safran-Foer. En lisant ce livre, c'était ben, « Oui, bien sûr, comment c'est possible de continuer à faire quelque chose qui est aussi absurde et qui était déjà en moi depuis si longtemps, mais que j'avais enfoui pendant l'enfance. En fait, j'ai passé 50 ans à vivre à l'opposé de mon projet d'enfance. En fait, je suis rentrée dans la vie courante avec ce truc de schizophrénie qui faisait partie de ma vie. Donc, je pouvais manger de la viande tout en ayant des relents de culpabilité de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Enfin, je connais toutes les ficelles de le déni, puis les petits arrangements qu'on fait avec soi-même, puisque j'étais capable de me raconter des trucs du style « Ouais, moi, c'est trop bon mais c'est pas évident. On mange plusieurs fois par jour, quoi. Donc, ça veut dire qu'on est confronté à cette question plusieurs fois par jour. Et jusqu'à cette lecture, c'était le message passe à toutes les lignes. Et j'ai refermé le livre et il y avait de la viande dans le frigo, mais c'est terminé, je pouvais pas le manger. Mais en même temps, je voulais pas le jeter, donc je l'ai donné aux gens autour de moi. Et c'était très, très simple. Hein. Tout ça était très simple et évident. À partir de là, donc plus manger des animaux, c'était, bon, voilà, c'est normal. À partir de maintenant, je change de vie et je me sens en phase avec moi-même. En fait, c'était une évidence. C'est le seul mot que je trouve. Donc, une fois cette décision prise, il faut, hormis le fait qu'il faut changer son comportement, on vit en société, et donc il faut partager l'information avec les autres, en particulier son entourage. Donc il a fallu annoncer ça. Très souvent, alors pas les copains, parce que les copains, ça rigolait tout ça, mais quand j'annonçais à la famille ou à ma belle-famille de l'époque, c'était plutôt le silence qui accueillait l'information. C'est la sidération. Il n'y avait pas d'explication préalable qui pouvait annoncer ce changement de comportement. Alors à l'époque, c'était en 2000, je n'ai pas de conscience politique derrière ça. Je n'avais pas envie que tout le monde devienne végétarien. Mais je sais que pour certaines personnes, ça a été un choc assez violent. Ouais. Assez violent. Par exemple, donc, alors moi j'étais avec une compagne à l'époque. Elle m'a dit « ça m'a fait exactement le même effet que si tu m'annonçais que tu étais homo ». Pareil. Et je n'avais pas du tout mesuré que ça avait pu être un choc aussi violent pour ma famille, sa famille à elle à l'époque, les amis, l'entourage, proche en tout cas. L'expérience qu'ont, je pense, toutes les personnes hein, qui sont devenues végétariennes ou encore pire, végétaliennes, ont fait l'expérience tout à fait étrange d'être tout à coup rejetées par une communauté de gens qui, auparavant, vous intégraient parfaitement bien dans leur cercle. Le fait que vous vous distinguiez de cette manière est véritablement insupportable à cette communauté. Vous n'avez commis aucun acte délictueux, votre personnalité n'est pas tout à coup révélée à la faveur d'une monstruosité. Bon, vous n'êtes pas un agent double. Vous faites ce tout petit effort, je dirais, éthique ou moral pour montrer que peut-être c'est problématique. Hein. Voilà, c'est 3 millions d'animaux abattus tous les matins en France simplement parce que c'est bon. Donc vous faites ce tout petit pas et vous sentez que votre geste est accusatoire. Et ça, on vous le fait payer très cher. C'est-à-dire que vous êtes le trouble fait. À cause de vous, les repas ne peuvent plus se dérouler comme avant. Vous devenez un problème. Mais ce problème qui a l'air d'être un problème simplement pour les repas, évidemment, ça n'est pas ça. Vous posez un problème beaucoup plus profond à ces gens. vous êtes en train de mettre en question, non pas leur alimentation, mais pourquoi voulez-vous continuer à tuer? Parce qu'au fond, c'est ça la question que pose le végétarien. Ça n'est pas aimer ou ne pas aimer la viande. Le végétarien, avant de l'être, était quelqu'un qui pouvait beaucoup aimer la viande. Claude Lévi-Strauss dit à un moment donné que mettre à mort des animaux pour les manger pose à toutes les sociétés un problème philosophique que toutes tentent de résoudre. Et la nôtre, comme les sociétés anciennes, trouve des voies, évidemment, de résolution. Et au fond, on nous le répète assez, ce qui caractérise l'humain, c'est de s'arracher à la nature. Et on voit bien que tout l'effort du droit, de la morale, c'est effectivement de se distinguer d'une violence qui pourrait être inhérente à la nature. Et qu'est-ce que fait le droit? Au fond, amener l'humain à renoncer à ses pulsions les plus profondes, parce qu'il n'y a pas de communauté humaine sans qu'elle paye ce prix. Donc nous devons renoncer à l'agressivité envers nos semblables et envers les animaux. Mais on ne peut pas ne pas réfléchir à cette agressivité fondamentale, parce que pourquoi les gens ne veulent pas y renoncer? Nous savons comment nous nourrir autrement. On peut très bien être en bonne santé sans manger de chair animale. Il n'y a plus aucun argument pour défendre la viande. Et du coup, ce qui apparaît à l'état brut, c'est que ce massacre, à la lettre, d'animaux, ne se justifie plus que par rien d'autre que le plaisir que j'ai de les manger. Mais je vais beaucoup plus loin, je dis le plaisir inconscient que nous avons à les tuer. Parce que je pense que présenter le goût de la viande comme l'argument le plus fort est évidemment grotesque et absurde. En allant plus profondément dans les différentes couches de signification, on ne peut pas aujourd'hui ne pas se dire, au fond, ce à quoi nous ne voulons pas renoncer, et ça serait ce « ça » épouvantable, c'est la mise à mort des animaux. Dans quel monde vivons-nous? Dans un monde où des êtres innocents, conscients et sensibles se font massacrer par millions tous les jours pour un simple plaisir gustatif. Des êtres que vous vous apprêtez à voir et à caresser. Tous ces animaux vous font ressentir des émotions agréables en les observant. En venant ici, vous vous dites que vous êtes proche de la nature et que vous aimez les animaux. Mais qu'est-ce qu'aimer les animaux? C'est les caresser un jour et les manger ensuite? C'est aimer son chien et manger le cochon? Quand vous entrerez dans cette ferme et que votre regard... C'est peut-être pas la... La bonne manière d'accuser les personnes qui mangent de les sentir coupables. En revanche, je trouve ça très important de rendre visible ce qui se passe dans les abattoirs et tout ça. C'est quelque chose. Je pense que c'est très important le travail qu'ils font les associations pour montrer tout ça, parce que c'est invisible la souffrance qu'on leur inflige. Si tout ça était visible, on ne pourrait plus manger en fait. En revanche, je pense que c'est très compliqué d'accuser les personnes, les individus. On a commencé toute notre vie à manger des viandes. Alors, même coup, on ne peut pas être accusateur comme ça, parce qu'on a tous les mains pleines de sang par rapport à ça, si on dit. On a trop mangé des viandes pour accuser les autres qu'ils mangent encore. Enfin, la culpabilité génère beaucoup de violences, en fait. Et en même temps, je vous dis, il y a tout le truc. Ça libère des culpabilités, c'est lui qui accuse. Ça remplit des culpabilités, c'est lui qui est accusé et qui peut se braquer aussi sur ses postures, en fait. Alors, même coup, je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Et moi, j'insiste. Je pense que de toute façon, tout le monde va devenir végétarien. Je pense que tout est prêt pour... Et tous les gens qui mangent la viande, ils mangent avec mauvaise conscience aujourd'hui. Tout mangeur des viandes, il a mauvaise conscience. Ce n'est plus quelque chose de simple, manger de la viande. Moi, je me rappelle mon malaise pendant plusieurs années. J'ai vécu dans un malaise jusqu'à ce que finalement, j'ai lu ce texte de Plutarque qui m'a empêché de continuer à être un truc double. Mais moi-même, j'avais une très mauvaise conscience, en fait, pendant très très longtemps. C'était dans le cadre du travail. C'était une fin de matinée qui devait déboucher sur un buffet. C'était dans une mairie d'une petite ville du nord de la France. Donc cette productrice avec qui je travaille est végane et m'a un peu repérée comme l'étant aussi. Et avait un peu ce comportement d'alliée, c'est-à-dire elle me disait « je vais voir s'il y a des choses pour nous ». Et alors, bon, comme souvent, dans des endroits, des villes un petit peu reculées, il n'y a pas énormément de choses végétariennes ou végétaliennes encore moins. Et j'ai dans les mains une sorte de petite crème de chou-fleur avec un éclat de charcuterie dessus. Et elle me dit, tu fais vraiment n'importe quoi. Et là, je me dis, mais quoi? Est-ce qu'il faut que je fasse mon coming out de quelque chose? En fait, je fais ce que je peux, mais quand tout a l'air nul et que j'ai faim, eh bien, oui, je prends le copeau de charcuterie sur la petite crème de chou-fleur et que je ne suis pas prête à cette radicalité, à devoir me justifier et à affirmer mes convictions de telle manière que dans toutes les situations, je saurais faire le bon choix. Moi, je n'en suis pas là dans ma vie. Aussi parce que mon père, il vient de la campagne, il était roumain, il mangeait de la viande pas souvent et que oui, c'était leur cochon qui tuait à Noël et que ben lui, dans sa vie, il vit comme une réussite d'avoir pu amener de la viande à la maison et qu'on puisse en manger à volonté et qu'en effet, quand je retourne chez mes parents, je m'imagine pas pouvoir leur dire « vous changez tout pour moi ». Non, enfin, ça n'a plus de sens pour moi d'acheter de la viande, mais plus du tout. Et je vis avec une animale qui est ma chienne, qui m'a aidée à voir le rapport que j'ai envie d'entretenir aujourd'hui avec les animaux. Mais c'est une transition lente et pour moi, sans doute une transition à vie. Et c'est comme ça que je trouve le plus sain de le vivre. Je fais le maximum à la maison, il n'y a pas de produits animaux qui rentrent, sauf pour mon chien et un peu pour mes vêtements, voilà. Mais quand il s'agit de manger à l'extérieur, je suis flexible parce que c'est trop dur de voir s'exposer au jugement des véganes, des végétariens qui vous pointent du doigt en vous disant « tu fais le mal », c'est ça, si tu fais n'importe quoi, tu fais le mal, c'est culpabilisant. Donc non, je refuse d'aller au conflit sur cette question. Donc je préfère dire non, je ne suis pas comme toi et je ne veux et je ne me définirai pas parce que ça fait trop mal. Toutes ces questions de alors t'es des nôtres, j'ai pas envie de devenir quelque chose de gravé dans le marbre. Nadège, quand elle décide de ne plus manger de viande. J'avais déjà averti à l'école que la viande ne soit pas mise dans l'assiette, quoi. Et ça, c'était déjà quelque chose qui était trop compliqué. Je me retrouve à devoir trouver un certificat médical qui confirme que Nadège ne peut pas manger de viande. À savoir que donc Nadège, ce n'est pas une raison médicale, hein, c'est le choix d'une petite fille qui va avoir 10 ans et que je demande à ce qu'on respecte son choix, et ça, c'est pas possible. Heureusement, j'ai un médecin de famille qui sait que voilà, derrière moi, je peux compenser au niveau des protéines végétales et qui va me faire ce certificat médical. Mais voilà, j'ai dû en arriver donc au point d'avoir une sorte de faux certificat médical. À savoir que quand je l'ai apporté au maire, le maire m'a dit « oui, je me suis renseignée auprès de l'infirmière, votre fille n'est pas en danger ». On a dû aussi préciser que nous, on mangeait de la viande. Parce que pour eux, c'était un peu comme les histoires qu'on peut entendre de parents qui privent leur enfant. Enfin, mais on a dû réellement prouver et être sûr, lui faire une prise de sang aussi, pour être sûr qu'elle ne soit pas en carence. Enfin voilà, on a dû vraiment montrer patte blanche en fait. Après voilà, on m'a précisé que c'était le premier cas qu'ils avaient d'une enfant de moins de 10 ans qui ne mangeait pas de viande. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ne sont pas rentrés dans la communication, ça en est rentré directement en conflit. Et ça, ça a été super violent, en fait, que ce soit pour elle ou pour moi, en fait. Alors, les autres nous voient comme de grands troubles faits, mais nous, comment les voyons-nous désormais ? Qui devient effectivement extrêmement difficile, il ne faut pas se le cacher. C'est comme si tout à coup, vous voyez que cette collectivité, de façon joyeuse, et ça c'est important de le souligner, de façon joyeuse, elle participe à quelque chose de monstrueux. Et pour moi, en fait, quand j'ai pris conscience de ce qui se passait pour les animaux, c'est vraiment le terme monstrueux qui m'est apparu, c'est-à-dire comme une gangrène à l'intérieur d'une société, comment une société policée, une démocratie, hein, où tout le monde a la parole, eh bien, n'écoutent pas la parole de ceux qui portent les intérêts des animaux, comment une société peut-elle tranquillement, tous les matins, organiser ce massacre, je dis ce massacre parce que c'est le, à la lettre, c'est ce que signifie ce terme, sans qu'elle se pose aucune question et qu'elle n'en tire que des bénéfices. Et quand tout à coup vous vous rendez compte que les gens qui vous entourent en fait participent à cela, quand vous vous promenez dans la rue et vous voyez ces étals de bouchers, de poissonniers, quand vous voyez tout ça autour de vous, évidemment le monde n'a plus la même couleur. Et cependant, il faut que vous continuez à faire un peu comme si de rien n'était, parce que sinon vous serez complètement mis au banc. La personne qui voit tout, elle est insupportable. Et on n'a pas envie de l'écouter. Et elle est là à vous ramener à une réalité qui, au fond, n'apparaît pas et qui arrange, enfin, et cette invisibilité arrange tout le monde. En fait, il faut trouver les moyens de mettre en place de façon tout à fait artificielle une espèce de clivage psychologique. Et ça, c'est très coûteux. Enfin, il y a une énergie psychique considérable qui est investie dans ce travail de clivage, encore une fois, complètement artificiel. C'est-à-dire, vous savez et vous devez faire constamment comme si vous ne saviez pas. Donc ça, c'est très coûteux sur le plan psychique et je pense que ça fatigue énormément. Ce que nous essayons de déconstruire est énorme, hein, puisque c'est, de certaine manière, le socle. C'est faire bouger vraiment les fondements. Le malheur des animaux nous donne aussi une énergie vitale. Et c'est un moteur. Donc, je ne crois pas du tout que nous soyons dans la tristesse et que nous surmontons. J'ai parlé de fatigue. Hein, c'est voilà au sens d'une. C'est un lest, hein, évidemment, de porter ça. C'est un lest très lourd, mais en même temps qui vous donne un peu cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Les animaux veulent vivre libres. Ils ressentent la douleur. Ils ressentent la tristesse. Ils ressentent la souffrance. Ils ressentent la peur. Ce que je reproche aux véganes, c'est d'être dans le jugement. Et si nous, en tant qu'omnivores en transition, on se sent surveillés, pointés du doigt, et on sent qu'au moindre petit comportement, on va nous taper. Enfin, c'est hyper infantilisant, en fait. Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. On a besoin d'entendre des véganes qui disent que l'important... c'est le petit geste, l'important c'est la transition, l'important c'est pas la perfection. C'est compliqué parce que dès lors qu'on commence à réfléchir, évidemment, on va vers plus de radicalité. C'est aussi un truc qui m'est arrivé quand j'avais une amie végétarienne à la maison et qu'on partait et que souvent quand je pars, je donne une petite friandise à ma chienne. Et donc je parlais à ma chienne, je lui ai dit « Ah, tu veux du poulet ? Tu veux du poulet ?» Et là, j'ai cette amie qui m'a dit « Ah oui, c'est bizarre que tu donnes du poulet à ta chienne. » Et sa réaction m'a fait bizarre, parce que c'est vrai, je me dis « En effet, je donne du poulet à ma chienne. » Bah oui, quand je regarde sa dentition, je me dis que c'est bon pour elle. Oui, c'est vertigineux, parce que je me dis « Mais si je commence à lui donner de la nourriture végétale, est-ce que je suis pas en train de nier sa nature ?» Mais en même temps, les croquettes, c'est de la viande qui vient des usines, enfin... C'est vertigineux et je m'en sors pas et j'ai l'impression que j'ai tort et que, en effet, je donne plein d'arguments aux radicaux pour me démolir mon mode de vie parce que j'ai un chien, parce que je lui donne de la viande, parce que c'est de la mauvaise viande, parce que oh, c'est horrible. Ici, vous avez des particules qui sont déposés sous forme d'agrégats, déposés un par un. Nous bâtissons une structure qui contient des cellules de protéines animales sans pour autant tuer un seul animal. En prenant simplement quelques millions de cellules via une biopsie, en cultivant les cellules en laboratoire, et voilà le travail. Il me semble que la situation aujourd'hui est en train quand même de basculer parce qu'on voit les grandes enseignes hein, comme Herta, etc. On voit des sociétés, des start-up investir dans les simili-carnets, hein, la reproduction avec des végétaux, de produits carnés. Je fais le pari que le développement donc, des simili-carnets, mais aussi de la viande cultivée, qu'on fabrique à partir de cultures de cellules musculaires et qui serait de la viande au sens pur du terme, pourrait demain, grâce aux ruses absolument infinies de la publicité, du marketing qui façonne nos représentations, pourrait tout à fait demain, après tout, le marketing nous a fait croire que la viande que nous mangions n'avait strictement rien à voir avec des animaux et collectivement nous adhérons à ce discours. Donc nous pouvons tout à fait, collectivement, adhérer à un autre discours qui accompagnerait ces substituts carnés et nous pourrions ainsi changer de régime pratiquement sans même nous en apercevoir. Alors je m'appuie pour formuler cette hypothèse, hein, qui n'est évidemment qu'une hypothèse, sur quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup passionné lorsque j'ai travaillé sur le sacrifice, donc aussi bien en Afrique, à Rome, y compris chez les Aztèques. Ce que j'ai découvert, c'est la croyance de la collectivité à un récit qui ne décrit pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est que se met en place, dès l'origine des sacrifices, qui remonte à l'aube de l'humanité, si on peut dire, c'est que la collectivité va adhérer à un récit. Et le discours sacrificiel qui accompagne le sacrifice consiste toujours à dire que la victime est autre chose que ce qu'elle est. On dit qu'au moment où elle est mise à mort, elle accède à la vraie vie. En fait, vous trouvez dans cette rhétorique sacrificielle les éléments pratiquement inchangés qui sont ceux de notre marketing aujourd'hui. Le marketing et tous les discours de légitimation. Et la collectivité y adhère. Donc, nous sommes prêts, je crois, à adhérer à un autre récit qui conserverait tout de même cette place de la viande dans l'alimentation, comme si c'était une espèce de cœur battant. Mais nous aurions cessé de tuer les animaux tout en pensant que peut-être cette viande de synthèse que nous mangeons est encore de la viande. Mais au fond, mon hypothèse n'est pas une élucubration, puisque tout le discours sacrificiel consiste à mêler ces deux éléments contradictoires qui, et pourquoi ça fonctionne ? Parce que la vie psychique, elle est fondamentalement ambivalente et nous pouvons croire à quelque chose à quoi nous ne croyons absolument pas. Les jours où on va arrêter de tuer les animaux pour les manger, il y aura toute une question de savoir comment, qu'est-ce que l'on va faire de l'animal domestique, comment on va l'intégrer à nos sociétés, d'essayer d'imaginer tous ensemble un monde dans lequel l'animal domestique aurait une autre place. En fait, c'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus joyeux, en fait. Et je pense qu'il faudrait vraiment commencer à réfléchir à ça, c'est-à-dire à tout ce que cette révolution anthropologique va transformer. Non pas seulement dans nos rapports aux animaux, mais dans nos rapports avec nous-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle les animaux ne vont pas être tués pour être mangés va être une société dans laquelle les rapports entre les humains va être différent aussi. Et même coup, il y a tout ça à construire. C'est une autre société qui nous attend, en fait. Les paradoxes de la viande, comment je me suis disputé ma vie végétarienne, avec Sophie Brière et le collectif animaliste du Mans, Nadège et Jessica Perel, Julie S., Franck Barrault, Barbara Constantine, Florence Burga, Marcella Yacoub et Ina Mialach. Extrait des textes « Manger la chair » traité sur les animaux de Plutarque, « Faut-il manger des animaux ?» de Jonathan Safran Foer. Merci à Pierre-Alexandre Mézières de l'Association Végétarienne de France, à Rosa B., à Marie Pavlenko et à Éric Pirlouez. Une émission de Delphine Santel et Vincent Deck.